بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الثوري الفوتي الكدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الرابع والعشرين من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. وإذا تقرر هذا فاعلم أن الذكر سبب السعادة في الدنيا والآخرة. سبب السعادة في الدنيا والآخرة إلى آخره. كون جوتاي بي ويسو لنج تامل وون تي واخ والو سكر. نجار نيغا خامتاني موم موتي نيك. با يكسي تي فيني واخ نان. Bon, à la coulée, ça tourne autour de la zikar. Moi, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je diamu yalla yep zikkar lañ lolou mo xew nga xam nga ko ci je pense ci cours bi passé ok wa idha taqarrara bu sahih hadha li fa'lam na nga xamne anna dhikra naka dhikr sababu sa'adati moy sababu texe fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah sabab la ci texe bokku na ci njariñ ni gis nga legui mi ñew ci njariñ ni par ben bokku na ci njariñ ni zikkar moy sababu la ci taxé aduna ak alakhirah dina ñëw ci dalil yi inshallah mais sababu la ci taxé aduna ak alakhirah lan moy taxé taxé moy sa nam nam dupp ak nam nam yalla ñam ko yalla defal amin fekente ne mbolam li nga bëgg da fay fekk exactement loolu la yalla bëgg sa jëf yi di dupp li yalla bëgg li yalla dogal li yalla diglé sey passion di jeng jëm ci li yalla bëgg koku moy taxé nit ki taxé na alkandé moy contraire bi moy nit ko xamanténé ci yu bon lay né ñu bër na dañ fogg né alkandé moy nit ki day cancer ba mu sida ba mu am diabète dé yoy ay natou rek la deug la nak amna febar yo xamne kumuy mené ko ay sida mst yi yoy nit ki bu yagge ci lu bon yalla mën nako ko natou mais en réalité natou la mën na nek mbugal waaw manam mën na né mbugal mais natou la febar ci jëmi bopam febar ci jëmi bopam du mbugal natou la te sa borom subhanahu wa ta'ala dafa am feñu way bu spécial bu mu feñu Allah bu mu feñu ci ñi nga xamantene ñoom la tek febar motax ñi febar seen ñaan di nangu yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith bo nek sahih imam muslim rahimahullah bimu don wax naan waji dani yawmal qiyamati day ñew borom subhanahu wa ta'ala ne ko yow maratu falam ta'udni febar na te yow setti wuluma mun ko nan ngay febaré te yow yaay borom mindef ya anta rabbul alamin mun ko sama jam diw sangam febarom na su fekkonté ne dang ka setti deglu la wajjatani danga ma daj famum manam ding fofu manam mom ci bopam man nga fay fek yalla day manifester wu à travers ki fever ok comprendre na bax ni alors que muneko diw nak dafa muneko way bam neko dama xifone ak dama maron te setsi woma daniko dangma boma setsi won boma ko won kon non ton danga ñew and ak man manam fofa ma fek dangma fek ci wetam fa dangma fek legi man ma ci mom dang ma fa fek waye bi fa dama fekk ci wétam à côté ñaar yoy duñ ben fièvre mo gëna motax mo gëna graw xif ak mar mais ki am natou ki fièvre ki nga xamantene dafa xif wala dafa mar ñepp yalla day manifester à travers ñu ci ay anam yu wuté mais manifestation bi mi manifester wo à travers ki fièvre dafa direct alors que ñi ci dess dafa nek ci sen wér motax fièvre ci bopam du problème bi mais est-ce que fièvre lu bax la ci nit xolal yent yalla ayyub alayhi salatu wassalam inni masan yadurru anta arhamur rahimin man lor dal nama te moy fièvre mbom te yaay ki dakk yeromati ni yeromati motax sa borom tuddé ko ni'mal abdu est-ce que bib jam innahu awwab mum dafa wëru ci yalla yent yalla ayyub alayhi salatu wassalam lan moko daron dafa febaron boy dafa ñakkon manam yalla da ko dafa amul alal avant yalla natoko mu ñak ba param febar ci histoire bu guddu jaruñu ci ñew yent yalla daoud alayhi salatu wassalam mu jox ko alal jox ko nguur mu sante yalla geureum ko sama borom tag ko de la même manière ni'mal abdu innahu awwab est ce que bi jamum dafa delu ci borom allahu akbar manam limu tagge ki nga xamantene mom moy ki ñak ki teemuñ mom la tagge ki am ki te diko sante diko gërem la même chose en réalité motax wuté bo borox xoy wuté ndax ki al faqir as-sabir ak al ghani ash-shakir kan mo gën al faqir manam ki pauvre ki nga xamantene da fay muñ ak ki nga xamne mom da fa riche way day gërem yalla diko sante manam ak di utiliser alalam ci anam giko yalla bëgg ñom ñaar ñaar ñi kan mo gën en réalité kenn ci ñom ñaar ñep ñoy am maqam ben maqam bi la en fait ben maqam bi la bo xolé motax sa borom taggé ké limu taggé ci même chose même maqam bi la sauf que selon nit ki ni mbir mi accentué ci mom fofu rek le problème bi nek mais ki bon ala kulli hal amna yeneeni tekantal yu aju ci masala bobu ci maqam bobu ak masala yoy bon yoy xeyna bu jare ñu gis ko ci yeneeni jotay dinañ ko gis inshallah wala ci yeneeni munasabat mais en tout cas liñ ci jublu won moy texé aju wul ci lolu yépp mais tonto sama question de fever wa li nga xamantene xam nga natou la ci nit motax nit ki febar day gëna ci ke borom subhanahu wa ta'ala ndax hadith bi wala na ni ki febar ay ñaanam day nangu ki febar xolam day delu ci yalla du deug nga xam essay sesna ki febar souvent sheytaane du ko gaawo man parce que ay banay xam day wañe ko bax du deug bu bax parce que du ko tal sax wa ci yalla lay delu kon febar ci ce côté bobu lu bax la ci nit lolou motax wali yi buñu togué te febar dalu len fo lu fekk dañu febar au moins dina am lu len remetti buñu togué febar dalu len dañu jaxlé wa febar wala nat lu bon bon dina am lu len dal lu mu bon bon amna lu len dal même boudé ab gombu ndaw la même boudé lamset mo len ki même boudé wa mais dina am lu len dal febar mo lu bax ci nit la sauf que nak mën na nek natou mën na nek mbugal différence bobu la bëggon nga ñew wa lolu mom xam nga julit lepp luko dal rek ndariñ la xewal la yéfer lepp luko dal mbugal la jeex na kon baxna voilà en tout cas texé kenn du ko natte ci yoy yep waji amna alal ak kon da texe dedet waji amna ay diplome yu bari kon texe na dedet waji borom yi ala ki la nu tuti amna ay soxna yu bari ki keur gi texe na dedet waji tawarka Allah njabot gi barna na dedet texe kenn du ko xole fofu texe fenn kessela be moy sey beug beug sey doxalam sey waxam sey jëfim deppok li yalla beug lolay tax aduna ak alakhirah te zikkar la koy joxe nit ki suy zikkar day dem ba mel non ndax bi mi zikkar li tuddu yalla mi ngi andak yalla sambal xono ay yoyep inshallah dina ñew ci dalili bu ñewé ci dalili inshallah ben bu ci nek dina am yuñ ci inshallah inshallah wa matradat day dak ash-shaytanu shaytanu sikar lay dak shaytanu mo ñoral bi wa xam nga tudon na wa matradat shaytanu moy bu jekk bi no sa'adatu darain sababu sa'adat sababu sa'adat la no sababu sa'adati moy bu jekk bi matradatu shaytanu wa moy lay dak shaytanu moy ñoral bi wa en réalité nit ki buy zikkar cheytaane day daw ah oui waw dokoy sori suy zikkar cheytaane day daw motax cheytaane duko djegge surtout bu amé lu bon lu nara def rek cheytaane li ñu diko expliquer xam nga cheytaane en fait dafa nek ci sa côté gauche ou bien xol bi benen côté droit bi malaka mo fa nek voilà légui cheytaane xol bi dañ ko xaj ñaar non en fait c'est que dafa am ñaari côté dafa am côté bo xamantene dafa djublu ci ruh ak le fait que mu nek lo xamne comme yaangi fatlik biñu wax ci itlaq taqyir wala ruh ak lepp lo xamne dafa ci itlaq gey lolu dafa am côté xol côté bu nek non am côté xol bo xamantene nak da fay ñew fi ci yaram ak bakkan ak lepp lo xamantene yaram manam yaram la ak ciirum yek yep rek mo relation ak xol côté bobu en tant que organe quoi voilà en tant que organe deux xol xam nga xol ñaar la dafa am xol dañ nek moy day laj def ay explication voilà dafa am xol en tant que organe waaw bi nga xamantene moy pompe dara djeg yoy lolou taxul ñu wax lolou buñu wax ci affaire lolou taxul djok mais xol xam nga waxon na la xol day jallar bi motax ñu dëd ko xol alqalb moy lu jallar ñuko mais xol dafa am côté xol moy placeu yi safano motax day jallar moy yu jallar bi ko rek moy day joge ci li dem ci safal mbekté naqar xel mu dal ak njaqé rek tiss mais aussi moy place bi nga xamantene ci le jikko yu rafet yi am ak jikko yu ñaawi moy contradictoire yu contradictoire lu deug c'est la place de toutes les contradictions exactement ci jikko iñan ak yeen ñepp jamm ngistal ci xol bi lay nek ci xol lay nek ngistal ak di def ngir yalla wallahi ragal yalla ak ñeme yalla ngeum yalla ak kafir ak nafiq yépp ci xol lañu ne lu dog mi xol lu graw lu musafa xol moy place bi moy centre non c'est à dire man limu yéem rek moy contradiction bi nek ci le fait que ngay ngistal wala ngay def ngir yalla le fait que mu nek ci même place bi et pourtant ñom ñaar c'est des opposés voilà lo rek momu yéem voilà maintenant côté bobu nak c'est que en fait lolu lañuy wax ñun lolu motax ñuy wax xol xol bobu nak dafa am ci xam nga ci place bobu lay ne ci organe bobu lay ne mais dafa am côté bo xamne dafa aju ci ruh bi ak itlaqam am côté bo xamne dafa aju ci jëm ji ak cieur yi ak taqyidam teunk giñ leen teunk ci ay mbir ak bakkan fofu nak la malaka mal fofu bobu mo am ñaari côté côté bo xamantene côté droite bi fa la malaka yi bi ne di wax nit ñi nit ki lu bax diko insuffler jikko yu bax benen côté bi fa la xol ba ne fa la sheytaan nek bok côté gauche bi diko insuffler diko wax yu yu bon yu mu wara def mauvaise idée voilà mauvaise pensée mauvaise action exactement donc jikko yu bon yep sheytaan daf ko koy insuffler mais jikko yu bax malaka moko insuffler d'accord donc légui nak nit ki mu nañ dogone dafa am ben malaka bi nek sa xol waaw lool la la wax ni d'accord donc bo dégué ni mo donc c'est à dire comme par exemple man ak mais lool waxon na la ko man ak yow par exemple xol bi mu ci digg bi ni comme man ak yow ñu jakkar lo manam côté bi ni waaw xara ba jël sama côté bon wa côté bi ni sétane mo fi né côté bi malaka mo fi né hein wa est-ce que mën nañ ko non c'est à dire dama bëgg ñu ki affaire bi ñu schématiser wa schéma d'imager ko mo mën ko représenter wa lool la d'accord exactement lool la d'accord aduna la mom ci bopam xol d'accord donc légui c'est que mom dafa nek ci digg bi li nek fi li nek fi mais nak ku nek nak diko jema voilà diko jema motax ñom duñu gis li ci biir sheytane bi ak malaka yepp mënu ñu gis li ci biir sauf que ñom dañuy nek à l'extérieur di app di def ay application ci biir d'accord motax li ci biir duñ ko gis motax ce secret ci biir xol bi lay nek ñom duñ ko gis Allahu akbar gis nga seulement dañuy nek ci biti di meuna def ay application di wax aka def xamna ni day def influence di influence ci biir waaw xam nga yow neko ci biir ordinateur wallahi neko ci biir mais pourtant boy taper bo nek yaangi am influence ci biir ordinateur mais newo ci biir ordinateur effectivement portable bi non neko ci biir portable bi mais yaangi ci def ay voilà c'est application voilà. Pour mu ci jeriño voilà d'accord ak pour mu def li nga bëgg yow voilà donc. Voilà non la malaka bek ki bir mel mais moy li nga xamne mom lañuy xëccio képp ku ko mom ya mom lepp d'accord leg bo ngi fatou moy sheytane bi mom perte na malaka bi mom mo lay ki comme ba di voilà wa ngi fatou moy sheytane mom instant gagné nañ ko quoi képp perte nañ ko mom instant il est vaincu voilà malaka bi rek lay mëna motax nak légui nak xolu arif motax xolu arif billah sheytane du ko djégé motax sheytane fu mu nek mu fu arif billah nek comme xol bi dafa am lèr gu mak gu ci nek go xamanteni daf koy dand motax sheytane du ko djégé jotayo ak arif billah lool bokk na ci ndariñ moy sheytane du fa tok fu mu nek Allahu akbar wa sheytane dalay sori wa lool motax gaay di wax li ñu wax moy bi ñeké ci nit yi ci arif yi seen yek yek dañuy sentir nek vraiment ni dafa am lu spécial li fi nek voilà dañuy togg ko la té lolou yek yek la voilà né dal né ah man dal sét na né par exemple ké dal buma toggé ak mom bokku tok mo toggé ak yeneen nit ñi suma toggé ak yeneen nit ñi dama insouciant nek ci yeneen sheytaan daf may gaaw def lolou bon et cetera mais ki mom bu fuma toggé ak ñom mom ci affaireu yalla lay né ci lu bax rek lay né lolo ko yoro wala d'accord di nga fatte lepp bam dess yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wallahi yalla yalla xir ci lolu ko donc nga delu wat ci voilà legui legui lolu en fait zikr waaw day tax sheytan daw d'accord mu def legui kon motax so zikr malaka bi rek kay nek ci yow ngay zikkar sheytan ki tour yalla yi ngay zikkar di def ay effet ci sa xol motax ala bi zikr la ta tuna nur qulub lolou nanti ñu inshallah ci zikkar ci la sa xol de dalé voilà gis nga kon xol bi da ci dalé parce que sheytan doot fa nekkat sheytan bi doot amati ben effet day daw sauf que mu am ben mbir mu mata leral bu mata leral ex d'une importance extrême moy lan moy waral ma ngi zikkar sheytane dawna mais sama xel mi ngi ci lu bon te pourtant ma ngi zikkar wallahi alol mom lu musaba li nga wax ni chete man daf may dal man da koy regret daf may dal way zikkar be sama xel day nek ci lenen voilà wala ma ngi tok ak nitu yalla mais batay sama xel mi ngi ci lu bon aussi lol tam day ne na nga tok arif billah sa xel ne ci lu bon Allahu akbar mais arif daf koy xam par contre xaw obligé wul mu xam ko obligé parce que arif tamit du yalla buy xam lepp d'accord mais amna yu bari muy gis peut-être lol mu ndako rerre wa mën en tout cas mën na xam comme mën na baña xam du yalla tamit il faut pas que nga jox pouvoir yalla waaw be be bo xamantene lu xew rek da koy gis dedet mais lu non tamit momit dafa am mom comme ñepp la mel dafa am limite d'ailleurs sax bokku na ci bi sax nit ñi duñ ko xam de moy mën nañ ko nax ah mën nañ ko nax ñoo ci rien de ko lek alalam dem seen da ah waaw Allahu akbar bu doon gis sa yu nek li ngay xalaatal liko fi du ko man do ko dal duñ ko nax do ko nax oy té ndako ba paré nax ko ba paré du xamné ki da ko nax abadan du ko découvrir d'accord nga wax ko lool deug té du ko xam lool mën na né ah oui waaw walé buñu né par exemple yow bo jëlé ce bo gissé serigne arif bu mag nga xamné ki arif la waaw nga tak bab nga tak boum sa bat nga jox ko waaw né ko yow la jox sama roh pour nga égalé ma ci yalla xam nga lool nga wax ñu né romb nañ ci chapitre passé ka da nga wara japp nek sa serigne ci lo nek wa da fay nek ak yow serigne ci lo nek day nek ak yow wa xam nga lutax parce que da ngayena jaxaso motax lolu tafarruf la bo xamné ben genre manipulation la bo xamantene arif bi daf koy def ak talibim yi ko gëm d'accord jaxaso bobu waaw spécialement ak talib yi ko gëm rek la koy def voilà ouais d'accord c'est que fofu dama bëggone nga développer waye gis na né amna yu bëri yo xamni peut-être doko xam motax duma japp na ni ko peut-être parce que man bëggona xam vraiment deug inshallah jaxaso bobu nan lay amé est-ce que dafa am lu muy tuddu est-ce que day nek ruh jaxaso ak su ruh je veux dire comment est-ce que ça se passe bo ñaar ruh ñay jaxaso mais bu ñaar roohi jaxaso lutax yow su roox xam nga yow amago fatu lutax yow su roox du ko yegg lutax yow doko sentir non doko sentir eh da wa astaghfirullah di ko sentir nak ah wa di ko sentir sauf que c'est pas permanent c'est que talibi la tamit yeggul niveau bu kawé nit ku yeggul ben niveau bi du ko xam d'accord parce que lu nek tarbiyé lu tuddu éducation spirituelle ni ngay nekké lire di mag ndank non la talibé di nekké lire ci yoonu nitu yalla di mag ndank d'accord ce qui fait que mom serigne bi day jël sa ruh jaxaso ak mom ñu nekk ben mais yow lolu yow doko gis doko en tout cas yow do c'est-à-dire man muy mu koy défé deug doko xam sauf que lool dëgg lool seen affaire la ñoom non nimi amé lool mom seen affaire la ñoom waaw yow mëno waaw lool mom manam danaka yoonu talibé bu nekk sama mass jëf suñu yoon nekk parce que xamuñu ko en fait waaw bu suñu affaire ça nous est tellement inconnu waaw ñoom dal ñoko xam d'accord ñoom ño xam nuñ koy défé d'accord lol mom lol yef yi lol mom bokul ci ñoom do ko man d'accord wa baax na mën na nek tamit ne day automatique parce que biñu yame ci deggu be ak joxel be ak yoy ci chapitre yoy non wa wa gisoon nañ ci chapitre 12 je crois wa wa non dedet ci tutut non dessa deug koy mi ngi tambal chapitre 16 nak chapitre 16 wa ala kulli hal ak chapitre ci tegu bo setlo dañu gis ne talibé bi wa mom ci mom le secret bi défar bi défar nit ki ci talibé bi la rek nekul ci serigne bi wa c'est vrai que asbu bi tamit ñewul nañ ci c'est-à-dire plus talibé bi dum gëm serigne bi plus mu défar voilà légui mën na nek aspect bob affaire bi jaxaso gi ci lolu lay amé ci talibé bi nim ko gëmé degré jaxaso bi tamit non lay toll motax ñuy wax affaireu jeex tak ci serigne bi moy nit ki jeexagu ci jeex tak benen affaire la té amna benen affaire bu important ci bir lolu moy bo xolé même ci affaireu aduna ku sop deug kenn day dem ba nuro koko même ci affaireu aduna wo ku sop football kat bi wala basketteur bi wala musicien bi rappeur bi et cetera day dem ba melni ñom ci dox ci jiko ci wax voilà affaire bi tamit fofu la manam moy kon ci nit ki gem la ci koku la nek sans kew keul sax mën nako bañu en fait mën na ci bañu def lu bari motax ñu gis ñu ne le ki c'est le sosie de diw motax nit ki fu mu gemé nit da ngay gis day commencer yor jiko complètement sax bu gemé bëgg ko digg te yalla rek tax wala mu bëgg ko ni rek naturellement ni mais deug mu deug day dem ba melni mom day yor ay jikko doxalenam waxenam lepp lay wax dere jo señ bi légui sheytaane waaw ñu delu wat kon lan motax mën nga tok arif pourtant sheytaane day daw wala yow wala ngay zikkar sheytaane bi day daw mais téréwul ya nga xalaat lu bon wala ya nga koy bëgg di def wala yu mel non loolu ko waral liko waral moy né en réalité du sheytaane mo la def loolu mais sa bakkan la Allahu akbar fofu ngay gisé différence entre li le sheytaane di def lo ak li la sa bakkan di def lo c'est très important fallé mo wax ni wallahi tay la ko réaliser kon Allahu akbar sheytaane bu lay def lo dara du la def lo mukk ben mbir bi ba pare wolbati ko wat def lo wat la même chose sheytaane du defé non sheytaane bo togué di sikar day daw bu fi arif nekké day daw amna moy ayu bari yo xamna bu xewé day daw donc mom buñu noddu gis nga day daw et cetera lolu so gisé mu xew da fekk ni comme le alcorane wax inna kayda shaytan kana da'ifa shaytan pe xemi dafa doye di cependant nak may do comprendre vraiment c'est le plus grand ennemi Moustapha de shaytané voilà le plus grand ennemi nit bakkanu nit ki la nafsu exactement dekk té ce plus grand ennemi du shaytané mais sa bakkan la non mais c'est donc man koy vraiment doga réaliser voilà a'da adu waka nafsaka alladhi bayna jambayka ki gëna nono ki non bi gëna mat ci yow moy sa bakkan bi nga xamni mo nek ci sa digënté ñaari pegg yi ñaar sa ñaari wét moy sa bop rek sa bakkan moy sa non bi gëna mat lool deug la en fait da ngay xamni sheytaane bu la def loowe dara du la ko def lo wat une deuxième fois mais bakkan tamit bakkan du aspirer ci lu bon lu mu xamul waaw fek xamul lu bon lolo manam mbir mi fek musuko def du ci jeng jëm sheytaane nak mën nay ñew di la ci aspirer lo de temps en temps mais so tuddé yalla mu daw et cetera so ki so togué ci wax nitu yalla yi nga gis mu dem do muy manam ngay gën boy tok ak nitu yalla di len fréquenter da ngay gis yu bon yu musul def do toko defati c'est lolo so fréquenter nitu yalla yu bon yu musta def da ngay gis ni yoyu do am ben tentation ci def ko cependant sa yi nga xamne nak mom sa bakkan da ko daan mos def mos nako ba pare mos nga ko def dans le passé wala don ko ko def yoyu mom par contre mën nga and ak nitu yalla jamono ju yag te do ko te do deñ en fait parce que bakkan lu mu xoss bu mos day jafé torop pour nga dindi wat ko ci c'est très compliqué pour nga dindi wat ko ci donc serigne bi mom manam fofu lay duggé en action voilà mais qui entre en action exactement ci mu deñ mais c'est pas facile c'est un long chemin c'est un très long chemin du top saxal ma ma sulu de quoi do mo glo comme niko ñu bari fogué affaire bi lool la c'est un très long chemin légui bakkan bi de sais que boy wax li jabu nek wala kuy deglu wala kuy jagg day gis ci bopam mom deug deug bakkanam la la taxol voilà la la nga xamne deug deug bu bugge tay tay libéré wu ci lool day gis nek vraiment c'est un long processus lool nak après day man en tout cas day problématique bokoy xalat ah si nga né affaire bi c'est un combat bo xamne ni c'est pas gagné d'avance quoi aha motax nit ki su défé lu bon en fait bakkan li koy mëna sauver moy motax gissone lo def ben yon kessé nga tok jamono ju yag defoko bayiko mo gëna yomb pour nga bancé delu soit résister pour bancé delu soit mais soudé dang ci def parce que en fait nit ki su bakkanam defé lu bon day lacc roh pour mu dimbaliko roh bi su ko dimbalé teub ko lèr mu dadi effacer manam lu bon lolu day dadi sey day melni en fait acide buñ sorti ci yiri mu lacc dara du ci dessé voilà roh bi demoy def lolu sinon rek lolu du ko mën réussir sinon day continuer ci lu bon lolu même bu fi sheytaane nekul motax xolal wéru koor da ñi jéng sheytaane no té téréwul nit ñi dañu ko né def yu bon yi wallahi lolu lan la lolu sen bakkan bakkan manam sheytaane mom bu ñëwé day fexé rek ba bakkan def limu bëgg su ko défé door lu ko lajëti bakkan tout temps mo lay lacc nga diko def legui bakkan bi tout temps côté bobu nak motax bakkan bobu nak day comme ci xol la né en fait bakkan ben place la nek ci xol ci bir xol la né motax lolou mom mo problématique aussi ce qui fait que xol bi mo bakkan bi daño jokkolo parce que déjà bakkan bi mom ci bir xam nga xol bi moy centre névralgique bi waaw wi nga xamantene affaire bi lepp fofu la ne fofu la décision yi di jëlo di jogé moy son névralgique waaw légui wone bakkan mom ci bir la am siégeam ci bir xol bobu ci la am siégeam donc c'est ça le problème aussi c'est ça li nga dafa kima le hein moy chaway moy direction bi voilà table bi ñi jëlé décision bi bakkan ouais mom fofu la am place voilà di la xaar waaw da ba no def bu guiné ko fofu nak mom wa légui mi ngay def rek pour mu réussir pour réussir moy en fait gis nga jikko yi la doon wax am na dañu safano yu baxi ngay acquérir yu baxi di bay yu boni xol du jugé ci lool xol du jugé ci jallar bi ko gogo bam dess ben affaire somé moy suko roh tebbe mum xol roh su amé ben lèr tok lèr rek bu mu door ci kaw xol rek xol bi day sujjot Allahu akbar su xol bi sujjoté dotul jallar bi koti légui nak roh moy am rôle xol c'est-à-dire que rôle bi xol yoron d'accord légui nak roh akoy yor d'accord donc légui nak xol bi sujjot té xol bu sujjoté dotul jogati Allahu akbar té direction bu sujjot xam nga sa jëm ji yalla dako wutal direction moy kaaba gi soy sujjot waye xol bi direction moy yalla bu sujjoté d'accord yalla rek moy d'accord moy qiblam donc en fait combat bi deug sa bakkan la sauf que sa bakkan mom amna benen combat moy combat bi entre ruh ak xol il faut que ruh bi gagne combat bi ci sa xol ce qui fait que ruh bi ak sa xol bi ñom dañuy dem ci même direction parce que xol bi nafs bi mo nek ci bir te nafs bi daf lay def say wa mais sheytaane mom fofu lay gëna jouer ci day fexé rek ba nafs bi ba nga def lu bon boko defé rek pour nga bayiko day jafé ba mu res su ruh dimbalé bakkan ci lolu d'accord vous avez fait mais c'est pas simple de hein avec lui yobula ah mais c'est de vous compliquer quoi C'est-à-dire, affaire dafa compliqué. C'est pas comme gars yi ni ko fogué ni dafa simple ma jël tarbiya la ni mais Moussa ba affaire dafa affaire dafa compliqué dé. Déjà, il faut comprendre tout ce processus déjà wala nga am dañ da ngay tarbiya kenn. Comprendre le processus bi ba paré. Comprendre le processus bi bëgg ni da ngay tarbiya nit ñi. Le processus bi rek déjà c'est compliqué déjà rek. Imagine nak maintenant wallahi arif rek moy arif kenen do arif non c'est tout c'est à dire fofu mom sen monde la quoi bul prétendre dara parce que bo ne xamou da ngay ne carrément xamou parce que ñi tay sen problème lolu moy di ñi di len endure en erreur di len nax ci lo xamni ni il ne le maîtrise pas parce que li Moustapha rek explication bi rek mais Moustapha c'est pas n'importe qui mo la jox explication bi nga mëna comprendre li rek man déjà rek li ma koy comprendre sauf que ya nga koy dog expliquer donc ma ñu da nga accès. Imagine ko xamul ni nak ni seigne bi dam lay tarbiya mais dalay nax waaw yéne na de yalla ni yalla sam amin day na war dal mais man dal li ma rand ko deug tay moy c'est pas simple voilà e gi ci yalla c'est pas simple du tout dede du tout ah non du tout motax élite bi rek ñoy egg c'est pas simple de légui nak ci kar day dakk sheytaane. Lol moy li gëna lol moy lay réew day dakk sheytaan d'accord dinay dalal xol comme ni ko wax en fait amna ci parti yu bari yo xamne jotton nañ ko gis mën nañ ci baña revenir at ba mu dess suko jaré inshallah ce qui fait après voilà mais ci dalil yi dal wa ci gattal dal lol c'est que nak sujet bi dafa important. Wallahi parce que centre bu reuy la fondement bu reuy la ci tariqa yi wallahi ci yoon nitu yalla wallahi te ñun ci lañ ne wa pour moy ñu ngi ñaan yalla voilà pour dem ci yoon nitu yalla ci jëw bi dafa reuy mais dinañ gis inshallah a deng kon wayur dir rab moy ñettal bi day jox day gëreem lo borom bi subhanahu wa ta'ala day tax borom bi subhanahu wa ta'ala contane te ngeureumul yalla kat mom moy objectif bi gëna mak wallahi dina di wut du nag la gremata la voilà te yalla du ko jox ku ne ngeureumal yalla du aw du ku nek koy am la de zalika liman khashiya rabbah wayajlubu rizqa day bijj wursak way yassiruhu te dako yombal wayajlubu rizqa day bijj wursak way yassiruhu te dako yombal moy kat wa d'accord wa yaksu te day sang ak zakira aji tuddu gi mahabatan li nga xamne moy acteyu manam moy charisme kuy ci carlo bare da ngay gis mu commencé am charisme wa day charismatique deja da ngay gis xol bi day am leer gu ci nek ndax li musique carlo bare ndax tutorial day am magazine wu ci xol bi leer gogou day jur leer gogou day xam nga lamine bok na ci gëna takalo ak xol loolu tax bo waxé ñu moy takal lam to raf waxal rek ñu xam la wax feñ wala fi do lañ wax feñ nit mom suy wax fi légui bo togué fi ngeen di waxtan wala nga tok rek di dégg muy wax 5 minutes nga xam moy kan budé am nga sétlu dëgg 5 minutes nga xam bar genre nit la. Parce que déjà parce que li né ci xol bi day manifestation bi ci lamine la gëna défé ci lamine la gëna mëna jaar même porté wu wax ji da ngay gis ki wax même phrase ñaar ñi ñu wax même phrase bi bu ko ki waxe phrase porté bi mi am bu ko tekké ndax xol bi motax da ngay gis tamit kenn ku ci nek solo li nek ci sa xol ci leer soy exprimer wu nonu la expression bi manam nonu ngay amé ak li nek ci leer ak xam xam nonu ngay boy exprimer wu da ngay gis day and ak mom wax ji day and ak leer gog ak xam xam bobu mo tax ngay gis exactement ñuy wax di définir ben affaire wala ñuy wax ben affaire nga gis ki borom leer gi mom day gis waxam ak borox manam leer gi xam xam bi nga xam dafa and ak leer day gis wax yi non seulement day exact ça veut dire que mot bu ne day exact en plus day am doole wax ji day am doole day am poids leer gi muy andal la d'accord nit mom li ne ci xol bi rek lamine bi non voilà ba pare ki day am day am tamit parce que day feñ ci mom zikar nit ko bu zikar lu bar day feñ ci mom day feñ ci mom day gis day am cielate gu muy am cielate gogu muy am nit ko bu gisee dang koy xamé bu rombé fi ci mbéd mi ku xam touti rek wala julit ni rek day gis day xamné ki bokul ak ñi may gis souvent ki nit ku sel la amna lu mu andal wayu warisu wala bo yurisu day am jeexal day waral mahabbatallahi xofelu yalla ta'ala aji kaweji day tax borom subhanahu wa ta'ala sopp ko wa muraqabatahu ak fuglom mom day tax yalla vigilant ci mom wayu risu te day waral al inabata wiru ci yalla dem nga ba dem ba wiru ci yalla wal qurba ak jege min rabbi ci borom subhanahu wa ta'ala d'accord muy set wa yi dina ñew ci dalil yi inshallah way yaftahu te day ubi babal maghfirati buntu jegal day tax yalla dila jegal wayu risu te day waral al abda jambi ijlalan ak magal li rabbi ñeel borom subhanahu wa ta'ala day tax ba nit ki gëna magal yalla ndax day dem ba xolam yalla da ci nek du deug wa yurisu te day waral zikrullah tudduk yalla ta'ala aji kay di lil abdi ñel jambi day tax yalla ci bopam di tuddu jamam comme niñ ci ñëwé ci dalil yi inshallah yépp dañ ko wax ni bu ko défé suñu yexé ci dalil yi ñu gën ko dé ñu développer fofu mo gën inshallah parce que bu do lol tay mom suñu cour mom lu ñi développer du bari surtout ci phrase yi wobi te ci zikar kesse tahya ci lay dundé al quluba khol yi wala tahya ci lay dundé al qulubu khol yi kama ke mi nga xamantene yahya day dundé az zar' gantax gi mbay mi bil matari ci sababu taw taw ni mi taxa ba gantax gi zikar non lay def dundal khol wa huwa te zikar qutul arwah mom moy ñamu moy dunditu ruhi manam moy tax ba ruh di dundu zikar la manam el aliment li ngay alimenter wa comme essence gis nga ni muy alimenter wa motor wa mané ko ci serigne bi nek Genève voilà exactement dund nako exogène lako tuddé voilà lolu lepp lu nek dafa am parce que lulu yalla rek koy alimenter voilà lulu yalla rek non la mel exactement voilà lolu ko tuddé voilà exactement lolu exogène voilà donc lolu lay ki moy li moko alimenter légui ruh nak zikr moko alimenter moy aliment bi wa jala'ul qalbi mom moy das xol moy tax xol mu koy das minas sada'i ci khour gi mu khour d'accord oxydation bi mu am la rouille waaw la rouille voilà wa yurisu te day waral an noura leer fil fikri ci xalam fil fikri wa fikri moy lan xalam xalat moy réflexion d'accord day tax sa réflexion di and ak leer zikar lu bari d'accord way xottu te day far ak zunuba bakari d'accord way zilu te day tokhal al wahshata ak njay allu baynal abdu digeunte jami war rabbi ak borom bi d'accord wa ma ak lo xamantene yazkuru dana ko tuddu al abdu jami war rabbi ak borom bi d'accord moy day tax zikar day tax ba le fait que mino sa borom ngir am manam sauvagerie bi nek ci digeunte jambi ak borom manam minante domestico par rapport ak yalla manam amul affinité lol day deñ d'accord zikar day tax nga yek kat parce que yalla ñepp la jégué wallahi momako ho aqrabu ilaykum min habl wa huwa aqrabu ilayhi min habl walid mo gëna jégué jambi ko buumu xolam waye jambi du yek ne jégué na yalla ludul mu sakko jegeñ lu yalla hmm lu rek waaw wala te lolu ci kara ci gëna gaaw hmm na hmm wa ma yadhkuru ak li nga xam te li nga xamantene da koy tuddu al abdu jambi min nahwi ci lu demé nek tasbihin sabbal wa takbir ak ah sabbal moy subhanallah ak yuma non wa takbir ak kabar wa tahlil ak wul man batu la ilaha illallah wa tahmid ak sant alhamdulillah voilà han ñoy yeb yaskurna dañuy tuddu bi sahibi na ci seeni borom hawla al arshi ci li wër arash d'accord mbolam zikari dañuy tuddu seen borom ci li wër arash wal ibadatu jamu yalla kullu ayyep tazulu day tokhu anil abdi wolu jambi fil hashri ca pang ga wal jannati al janna illa zikrullahi wa bistudu yalla ta'ala ajkaydi wa tawhid ak ba ak tawhid wetal yalla ci ginit ki wetal manam sede ginit ki sede wetuk yalla ci xolam wal hamd ak tiant yi mom duñu ñom ñoy yi nga xamantene ñom ci alja ci panga wa ak aljana manam panga gi moy fiñu dajale nit ñi yowul qiyamah dajale par force bobu nga xamne kenn ñëmi wuto bañ amul kenn koy amul dara luy tax ba kenn du fa ne waaw lolay sama problème jom reñu lol leer na man dana fa ne quoi yeen jalo bo terrible hein waaw man dal lol dal mom moy sama problème xamna ni ñaari problème la am moy yowal qiyamah la bu do mu am lolou moy benn problème bobu sax bu doon lolou rek moy problème bi graw mais ñaarel bi mo gëna graw moy faw da na fa ne il faut que mo nek sho sho hein moy problème am na sho hein ñaarel sa muñu day na war da ah oui sho c'est comme ça alakh nek jour yo mo xam dafa titlu ko yalla yalla bu ko mu ko décrire ci alcorane c'est-à-dire yow lo rek doyna misal quoi doyna misal c'est effrayant en tout cas c'est effrayant ça donne vraiment pas envie d'y être quoi voilà quoi te mëno ci mucc yalla yalla sam ñu da amin ya rab deng ak aljanna tamit amin ya rab yi yep duñ fa manam lepp ray taxu wolif jam bam dess tawhid tiant ak zikr wa zikru zikr tab taqarrub ak jegen sakku jegen la ila allah jom ci yalla taala ji kawji wo te mom zikr note ga lol de wa muy fa taqarrub ila allah taqarrub ila allah donc mom a kon mom 21 ans la voilà d'accord note nako wo te mom zikr lil abdi ñeel jam bi sababun ak sabab la li nuzuli sakinati ñeel waccu dal alayhi ci jam bi d'accord waaw manam day tax ba dal jam bi zikar da ngay gis mom day am ak dal day am ben tranquillité day am ben quiétude tranquillité d'esprit voilà du ay stress ak yoyep xamuko du ko xam wa hufu fil malaikati ak weur gi malaakai weur bi ci mom wa nga gis malaakai day ñew en cercle ko ki ko ñew ak seen lafi mure ko wa nuzulha ak waccu malaakai la day fa mom lol tamit day tax malaakai wacc fi mom wa khishyan ar-rahmat day ta waral manam yermund ak yalla mur ko zikr da koy waral yeb dina ñew ci dalil inshallah wo wote gis nga zikr lil insani burul dara amu ndariñ ak burul won de lulul ne mom ñeel nit ki shaghilun aji bu amul lulul ndariñ sax manam mom nit ku koy def shaghilun aji soxlaal ko lay doon anil ghaibati wolif jeuw wol kasi bi ak katch manam wax lu deug explication wakul batin ak lepp luy tiaxam d'accord zikar day préoccuper nit ba tax ba li yeb def ci du jew du nek di wax di lo xamne xamu ci dara di expliquer rek ak lepp lo xamne ay tiaxan la waxu tiaxan waxu ne ni ki voilà marché bi demb nangam nangam ki faara ko voilà tout ça def ci mucc voilà budul won dara budul dara wallahi ndariñ gi rek jaron nako jaron na to bis kat deng wa dhakiru aji tuddu yalla nak mom la yashqala qala rufa la yashqa gis nga erreur de frappe la sen erreur yi ñu def rek tout temps mu nek am la yashqa du texé di bi ci mom jalis ci barkem jalisoho ak jotayom manam aji jotayom manam kuy tok ak kuy zikkar du texedi watam dina ñew ci dalil inshallah wa majlisuhu jotay zikkar day la yakun du nek ali ci mom hasratan ak rutu yowmal qiyamati bisuf taxaway ba d'accord bu yowmal qiyamé ki zikkar jotay bobu nga togon diko zikkar abadan nga rutu ko parce que mom day sédé après non liñ ci jariño mo bari moy récompense bi quoi waaw ak li ci juddo parce que man ben affaire rek la lon xalat kérok moy boy sikar li nga waxone té lolu Moustapha lu kémané la moy cadre bo wax amna malaka bu ci juddo lolu daf moy yéem malaka bi day sabbal andak lool moy fi en même temps ci barzakh mu am jëm ju rafet du fay juddo Allah num lay démé en même temps ci aljanna mu am ay tabax ay kër yuñ ci tabax yu ci juddo ci tabax yi ak ay garab yuñ ci saxal ay ourul ay nuyuñ ci def et cetera lepp di la xaar lepp ci ben cadeau yow bi nga wax fi manam aduna yi solo aduna bu ne ak conséquences yi ci sa zikkar bi am ci yow li nga wax rek effet yi quoi effet yi wala jëf ju bax ji nga def rek d'accord donc chaque acte une parole que tu donnes ici lambda a des effets à travers le monde voilà à travers le monde voilà monde bu nek nak ak manifestation nan ban effet la fay am voilà d'accord al akhirah al janna Allah Allah Allah Allah Allah Allah wa zikru zikr nak ma al buka andak joy sababun sabab la li nayli ñeel am dhillul arshi keruk arash al zalil bay aji keralate bay aji tar manam reuy ci keralate kon di zikr andak joy lol da koy waral day waral jour bobu sa borom subhanahu wa ta'ala keral keruk arash wa man shaghala kep ko xamne soxlal nako zikrullahi tudu zikr tudu yalla ta'ala ajka waja anil mas'alati wulif ñaan di laaj u'tiya def nako jox afdalu ma lu gel li nga xamne yota mom lañu jox as-sa'iluna way laaj ni comme niko hadith ba waxe manam nit ki bu fekente ne day zikr motax ñaanul wa ñaanul way day zikr au contraire yalla da nako jox lu gel nit ñi nek di ñaan di am bo toge au lieu ngay ñaan ngay sikar li gën ñi ñaan li ñi am li gën loolu la yalla jox Allahu Akbar ndax sikar bi wa bismillah wa huwa zikr day ghirasul jinan mom moy li nga xamantene moy manam moy deug deug li bay aljana manam li nga xamne mom moy jëmbeut wala ci aljana ghirasul jinan wa manam boy zikar bi ci bopam moy jëmbeut garab ya ci aljana ghiras moy jëmbeut wa moy jëmbeut ndax gharas aman gharas moy bayna jëmbeut na gharas wa bay mo xamne day and ak arroser nit ki di arroser lool moy gharas gharas al gharas moy lool arrosage wala alors que az zar'u waxon nañ ko sank mom moy mbay mo xamantene tawbe koy arroser wa arab mo sitel ay subtilité yu ndaw lay indi mu changer complètement contexte bi ak phrase bi ak nan ngay imaginer mbir mi voilà Allahu akbar tete waaw dengo waaw wa sababu sabab la al-itq han ci mucc minan niran ci sawara xolal sayran do bin niran safara wal aman ak koolute la wa bo lol benen la manam kon sabab la ci mucc ci sawara wal aman koolute la minan nisyan ci fatte nit kuy zikkar lu bari da ngay gis du gawa fatte d'accord il a une bonne mémoire voilà da mémoire ba ara ñu yok ci kari ko suñu xeli mom yalla xam bay wo wo zikkar nurun leer la lil abdi nel jami fi dunya wu ci aduna wa qabrihi ak bammelam wa nashrihi ak buñ ko dekkale d'accord muy benen wa leer la ci aduna day gis nit koy zikkar da nga le temps yi dafa leer gis nga leer nga ngi dik du deug wala lañ koy wax wala bo xolé xar kanam geek yoyu wala qabri ci bir bamelam tamit leer la hmm niki nonu buñ ko dekkale yowmal qiyamah tamit leeram lay doon bu muy doxé fofu hmm te fofu nit ñi dañ fa soxla leer lool allah allah yalla ñu yalla may leer jour bobu amin ya rabbi atna lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli shay'in qadir wa manshurul wilayat ba pare mandar gak wilaya la day indi wilaya day tax wilaya di feñ ci nit d'accord manam zikkar lu bari day sabab nit nek waliyu tout simplement d'accord mandar ga waliyu day feñ ci yow waaw dara donc c'est un signe distinctif voilà pour dire que yow tu es un wali en tout cas pour montrer que tu es un wali wa wala mu indiquer ko wala mu indiquer ko voilà wala mu indi ko d'accord wo wo té mom ci kar yorqi day yegëti yegëti day rañan lo yegëti manam ascension day indi ascension al abd jambi iza rasakha su sakhi fil qalbi ci xol day tax ba jambi nit ki su zikaram saxé ci xolam day tax ba muy def muy am tarqiya ascension spirituelle da koy waral bu zikar wa bu saxé ci xol bi bi pa de nga lim la wax wol ci lamine bi kessé mais bu saxé ci xol bi day waral ci mom ascension spirituelle yalla ñal defal lolu wax bu sax suñu xol parce que xass suñu lamine mom mais ci lamine bi lay jëkke il faut mu sax ci lamine bi d'abord bala nga koy defal sax nga koy wax diko wax diko wax diko wax diko wax diko wax diko wax ba nga xam tane légui sa lamine mom da ko min lol nga dok ko utiliser sa xol après nga def lamine ak xol non la étape bi ñett la lamine ak xol no xol kessé xol kessé waaw après légui lamine ak xol en même temps mais wala lamine ak xol après xol mais lamine ak xol dafa jafé d'accord no xol kessé mi dafa compliqué dem comme le waji wax waji dafa ma wo diom mi dama sa affaire bobu mou lay diom na ko mune waye dama ko ni dama koy def sama xol bi kessé kessé bu yeugal sama lamine dama def dara ba def ak sama xol kessé mune waye sama xawtu ci ma xam mune na kana da am loko jox ah mune ma nako baye ma du ko ah waxon na lu ko neena la heet bu sama baat ka jox ci affaire di hi de saar faat xela saar faat xe waaw rek ko saar faat xe bi la niko nak c'est que voilà mune ma xaaral ma bayyi lolu di def ak sama lamine bo kero makoy man niko waxon na la kon il faut nga tam ko après nga doko def ak sa xol c'est Moustapha xol en tout cas boko commencé boko beugui expérimenter man sama avis personnel moy dafa laaj concentration bu extrême non gis nga boko defone fi tay nga xamne sa xol rak kay wax waxuma nga koy xalat parce que amna différence entre may xalat dara ak sama xol diko wax parce que bokoy wax ak sa xol da ngay gis sa xol de moy exprimer bati mokoy wax d'ailleurs lolou sax lolou da yakarna ñu bari mënu lolou du ñepp ko man da fa c'est concentration bu maga la si si nit sax mëna concentré wu te du ko man parce que xol bi di wax ak dafa jafé ma lo il faut nga dem ba quand même il faut nga nek zakir deug nga tam ko bu baax ngay doga man nopi sa xol bi di wax ngay diko deg muy wax bi exprimer bari mais en tout cas so koy def début bi mom début jour yi ngoy ñëk def mom sa yaram tay tass ak way waaw da ngay son si da ngay son mën nga def fi ben salat fatay kess melni ku liggey yanu ay mol 2 heures de temps Allahu akbar mais nak da ngay gis leer gi day nekk ci sa bir yaram bi yépp après mo ko yara yombul de té lool ku koy def do man xam nga boy zikr ak salam men mën nga nekk ci yeneen mbir diko def wala ngay xalat leneen mais zikr ak xol mëno nekk loolu préoccupé wu ci loolu kessé ci moment bobu c'est à dire que même bo dé dox ngay zikr ak sa xol ngay dox do meuna def leneen en même temps c'est à dire que do meuna préoccupé wu ci manam do man di réfléchir ci leneen waaw attirer sa attention ci leneen voilà concentration ci zikr bi rek nga koy def mom nga koy meuna nek ci lool rek nga koy meuna def man di gis na concentration bu waaw ba la laaj ci très compliqué waaw affaire ñu mëna dama na ron asphyxié wu na rek man yi li day na ko bay kon baax na ay musa wa ay musa na ron nga ñak benen bokk de no defa nak man waxuma ko nekko nako def wa mo waxuma dama ko expliquer ne ko lolu man na ne mais lolu étape la waxna ko lolu la ko mo mu ne dagoy jima def bayiko mu def ko après étape la nak bu nit ki meuna yegg lolu niveau mo geul mais la en tout cas di tambu di wax ak salam nak sa xol salam nak sa xol manam dal di tewlu dal wala moy ngay tewlu bo demé nak vraiment nga téwlu bi mu léral na mën nga téwlu bu baax nga xamné boy wax zikr bi da ngay yek sa xol bi nim koy défé nga xamné parfois da ngay zikr sax ba paré sa yaram bi yek tangor gu ci nek manam lèr gi nimu ci jaxosowé ci sa yaram bo yeggé fofu nak nga def ko ay quelques jamono lool légui après di nga mëna zikr sa xol kessé mais zikr xol kessé nak mo gën waxon na la ko ci jotay bi wess waaw mo gën upp doola dëg ñi fofu la nek té amna benen étape sax mo gëna sel dëg amna benen étape dé moy zikr ruh zikr bo xamné légui ruh la wallahi bo benen étape la parce que sa xol bu koy def après ko pour sa ruh mo koy def non damay xalat rek nan la wara mel fo tollu ngay tuddi yalla xam nga ruh way zikr waxon na la ko jotay bi wessu bu teex ruh su zikr motax nit ki bu yegge fofu nga xamne ruham day zikr fum tollu koku nak nga xamne mum day yek ni ruham day zikr ak ruham koku en fait meun nay préoccuper wu ci mbir yu bari ci aduna ci biti ni alors que en réalité ruham mi ngi zikr manam mum limuy nek ak yow ni ci biti ngeen di nek ci affaireu zahir yek yoy lolou du préoccupation du ko préoccuper en fait lolou du ko préoccuper en fait ndax ruham moy lima la wax sank bu xol bi sujoté gis nga bu xol bi sujoté wallahi legui nak ruh moy jël dominer moy jël place xol centre nimu nek won centre bi névralgique bi waaw legui nak ruh bay doon centre bi d'accord voilà bax sax voilà lolou lañ wax al fana'u mo bi dang koy wax souvent moy jeex tak tak tak tak ci yalla lolou la extinction Allah voilà lolou la legui nak nit ki buy non tamit meuna dem xam nga xelam xel aussi en fait ñaar la aussi comme ni xol nekké ñaar xam nga xol sak bi nga doon wax l'organe bo l'organe bu biologique la lool ko taxul ñu wax ni gi non xel tamit lool taxul ñu wax xel bi ñuy wax parce que xel tamit bon en fait la raison non xel moy waaw la raison waaw raison d'accord en fait xam nga nek yuur gi ci biir yuur gi en fait fofu lay také dal lay mari cerveau bi fumu nek li tax affaire bi vraiment waaw fofu lay mari fa so bo xolé nit ki ni muy xalaata digënté cerveau bi la rek ak moelle épinière bi fofu la ki di nek fofu manam fofu moy centre bi en tout cas fofu la information yépp di déllu and ak né xol bi moy fa lay joggé ci xol bi lay joggé mais fofu lay také fofu lay také légui lolu fofu moy source bi quoi voilà day réflexe yépp don gis nga non lay déllu affaire yi nerf yi yépp fofu lañu racolé wu lolu taxul ñu wax tamit li tax ñu wax moy xel mi nga xamantene moy raison bi ci bopam mom nga xamne mom moy teural ay até mom nak ci xol la centram né mais di atta di feñé ci bop bi motax nit ki su réfléchir lu bari pourtant affaire ci xol bi lay jogé mais su réfléchir lu bari du xol bi du metti bop bi metti bu dog parce que fi mu jogé la voilà fofu la jogé affaire bi source bi moy metti mais pas fi mu jëm dedet fi nga xamanté xolal lampe bi bu také lu bari fan moy tang lampe moy tang pourtant fan la tak fan la énergie bi jogé ci prise bi jeexna wala ci contact bi ci interrupteur d'accord voilà légui dañu japp na né que interrupteur bi mom moy cerveau bi dedet moy xol bi mom moy xol bi waaw waaw mais ci fi lay také ci lampe bi ni waaw mi nga monté voilà waaw c'est que fofu lay chauffer voilà fofu lay léré fofu mom la ñaar ñi génné non la xel mel d'accord en fait motax xel ci xol la né deug fofu lay joggé fofu la koy puiser mais en fait da ngay xamné xel xol ak bakkan bi xol ak bakkan ñom ñaar ñoy jox xel ay élément té ñom ñaar ñep ci xol la nga xam nga xol xel waxon na la bakkan ci xol fofu la en place voilà xol ak bakkan ñom ñoy jox kan xel élément yi xel nak moy até moy juge bi bu até mom moy wax né cieur bi defal nangam cieur yi yenen cieur yi nak ci yaram bi mo len di jox moy juge xol bi ak bakkan bi ñom ñoy jox ñoy élément yi ñom ñoy yor ay élément wa shaytané ak malaka bi waxon na né dañuy wax xol bi dara mais ñom buñ ko waxé xol bi moy jël élément yi légui soit mën na accepter yimi jox xel comme mën na yenn yi mën na ko téé bañ ko jox xel ndax d'accordu ko do façon su paré nak day renvoyer xel mok bakkan yépp dañuy renvoyer xel motax shaytané day utiliser lu bari bakkan ñom ni dañuy renvoyer xel élément yi d'accord légui xel nak mom moy atté moy juge bi c'est le seul juge mom moy juger voilà légui mom bu juger après nak mom mo yor en fait mom moy juge bi mais moy autorité bi aussi bi nga xamné mom la yaram bi di top yenen ciir yépp mom lañu top d'accord donc en fait juge bi bu décider voilà. Ci membre yi ci lañu agir voilà lool ci ngay gissé importance xol parce que xol comme fa la centre bi né centre xel ci xol la né donc xol moy lepp voilà xol moy direction bi moy lepp wa moy direction générale motax kuko gagné rek yay gagné lepp wallahi parce que après ci fofu ngay mëna défaré yenen yépp voilà parce que ramification fi mom mi ngi mel tribunal la rek mais élément yi tax mu mëna juger élément bi ci xol lay joggé ci xol bi wa mi ngi mel ni enquête yi yek wala police def na ki def yépp tout ça hein élément yi ñu dem présenter ko juge bi day atter mais élément yi enquête bi yépp fofu la né enquête bi nekul ci juge bi enquête bi yépp fa la né ci policier yi la né ak gendarme yi non la rek xel mom tamit dafa am kon moy teural até mais bu ko roox mom tamit bu ci toxé léram ben léru nak ci xel mi tamit day sujjo bu xel mi sujjoté mo roox bi dal mom tamit il est puissant roox bi dal ci la lepp nek parce que roox bi mom ko mu teubal ben affaire rek nga sujjo voilà roox bi moy sujjo bu roox bi sujjoté lan lañ wax as sukr moy ak ngeulumté ak mandité nit ñi dañu nek ci mandité roox nak boba moy dal di nek moy jël placeu xel bu boba bu défé nonu ci xol bi moy jël placeu xol bakkan nak bu boba day dal di day dal di jeex do amati ben rôle lu xana mu nek mutmainna diku dal rek mo lay xalaf sul mutmainna jeexna am apaisé am apaisé amutul dara lu muy def fi sheytaane doot ko manal dara waji nek arif billah mom fatul akbar allahu akbar jeexna parce que ruh bi mom en fait liko dox li doxone digeentim ak jëm minute ki moy bakkan bi bakkan bi fi nekkone nek barrière wu ruy gis nga en fait gis nga bakkan non la mel dafa mel ben frontière barrière wu ri entre nit ki ci jëm bopam ruham ak yaram bi ni motax bakkan bi soko door su daano non ni nek am apaisé bobu nga xamne roof bi daf ko dominer manam barrière bi toj nañ ko moy bakkan bi mos na dé moy bakkan bi mos na dé apé légui jeexna moy toj nañ barrière bi nit ki am farfal ak war Ça va, li nga expliquer nak vraiment xotna c'est très métaphysique li ngay wax ni dafa ki dafa xot dafa la vraiment mais c'est très accessible alhamdulillah et c'est compréhensible aussi alhamdulillah sauf que ça nous fait voyager manam suñu xalé dem ci lu bari en même temps wa c'est à dire que mécanisme bi bo comprendre rek da ngay comprendre le pourquoi du comment sur beaucoup de choses et comment le arif fait pour défar la wa et surtout comment yow non nga wara procéder nan ngay procéder sa procédure nan lay évoluer parce que sa xel cheminement sa xel ak sa bakkan ak sa xol ak sa xol en fait ad ak sa ruh wa parce que quatre éléments yoy la voilà non ya wa en fait amna benen sax yalla en fait dafa la bindal dafa def dafa def ci yow non nit benen affaire la nit vraiment moy aduna bi gëna mak mais yalla dafa def ci yow ay aduna yu bari dafa dajale ci yow ya aduna bi gëna mak pourtant mais yalla dafa dajale ci yow ay aduna yu bari ruh aduna spécial amul espace amul temps té du dé bakkan bi aduna la moy biñ wax sank mom ay procédure gis nga xol aduna la ci ben phase xol bi ci la defar benen aduna moy phase bi mala wax ne la mom mo nek ci digeunte bakkan ak jëm ji fofu nga xamne fofu la malaka bi ak sheytaane di xëccu ci la duggal ci biir ci phase bobu ci la duggal ci biir ñaari aduna aduna bu ñu tuddé alamu sirr moy le monde des secrets moy monde bobu nga xamantene loy neub keneen rek fofu nga koy duggal malaka du ko gis sheytaane du ko gis loy bëgg neub kep ku bok aduna bu yaatu la du fess mukk lu mën nga ci duggal ad lepp te du jeex du fess setlu gisolo lu ne mën nga ko ci duggal te aduna bobu du fess wallahi subhanallah mu yermu de biya legi amna benen aduna bu gëna profond bu nek ci ginnaw aduna bobu bu mu tudde alamul akhfa bobu nak mo jokkolo ak ruh bobu aduna lolo tax nit ki duko motax yow monde alamu sirr secret monde de secret lo ci bëgg fatlikou rek tay légui mën nga ko fatlikou gaw légui nga téwalat ko mu délu ci dëgg li nga gardé en secret soko bëggé wallahi ben donné la bi nga stocké rek té xam nga fi mu né sa yo ko bëggé jëli ci dang ko jëli ci wat légui indi wat ngay tax ben touché mu ñëw du dëgg mais alamu akhfa fofu mëno fa accès ludul nga am fatkhu ludul sa bakkan comme liñ la wax sax mo am fatkhu bi rek moko mëna ak mo tax nga mo mëna tax nga am ci accès nga mëna activer buntu bobu très bien d'accord donc yow fofu parce que fofu aduna bobu yalla ci lay waxtane ak ruh di waxtane ak yalla d'accord ci aduna bobu la te deñul di am nak ci ruh tout temps mi ngi wax ak yalla yalla lay wax ak mom muy deg li yalla lay wax ak mom mom mu koy tontu waye amu accès ci information bobu parce que amu fatlu akbar boko amé rek am ci information ci lepp nak ci yoy ci aduna bob ci la yalla ay waxtane ci ay alif lam mim ha mim yo tax ñoo ñoko comprendre deug deug deug deug deug parce que roop bi da koy comprendre aha mom relation bi ak mom ak borom mom ñu waxtaan yalla diko wax muy xam liko yalla wax mu koy tomp aha aha dialogue fofu lay amé aha amu sa fa man kon manam dal ñun dañoo teunk ci yaram wala dañoo teunk ci benn ki mais ñun xamu ñu deug ñun ñoy kan lool la taqib ak itlaq bi ci lool lay dal moy dañu teunk mais ñun ci luñu teunk ñun xamu ñu sax ñun ñoy lan loolu rek ay elements yu bari lo xamne ay monde ci ñun suñu bop voilà ce qui fait que li nga non waxon li nga mo waxon benn jour mang koy dogo comprendre tay deug portée bi moy monde xam bi gëna reuy bi gëna yaat suuf bi gëna yaatu nit la waaw 20000 xétu xam ñu ngi fofu voilà 20000 xétu xam dañu dugg ci waaw nit ki bo me fax rek day daal dugg ci aduna bobu ci lu mo ardu la wa sax moy suuf moy nitam mom ni dit ci jëmbam ah yémena le wallahi donc en fait ñun suñu ba paré amna benen aduna muy 6e parce que instant man 5 la jappal amna benen bu tuddo alamul khayal moy khayal xam nga luy khayal khayal moy imagination moy tenir bo togué ni sa xel dem ci ben melni dafa am kula romb wala nga imaginer lolo khayal muy 6 mais bobu aduna la bu réel nak par contre bu exister ci bir et en dehors nit ki fofu yi impossible yep fofu la nek mbolam lo xamne ci xel rek dafa impossible yalla fofu la koy def ce qui fait que nit bu ci amé accès da koy mëna bu ci amé accès day mëna dugg fofu gis mbolam yi impossible ci lay dogo comprendre nak mbolam ayatu sifati ak hadith sifati ku yegul fofu dogo comprendre moy ay yi wax nan loxol yalla beutu yalla ngi re yalla day daw jëm ci jambi hadith yoy d'accord deug yalla dafa deug limi tek parce que yoy ci suñu monde yi dafa impossible yalla day wacc ci asaman bu jëk bi bu guddi yoy yep il faut nga dugg ci monde bop pour xam d'accord fof parce que martabatu sawa mo fa ne mana yeb dinañ ko gëna léral inshallah gën ko yaatal gën ko dëgeural ci sharh taysir bi inshallah ci ala al mukhatab wasjud waqtarib karaman inshallah kon wa ñu yom fofu inshallah wa bo jotay bi di ñew inshallah inshallah ñu yeggal jere ñu ngi ci 35 nak waaw bax pour bu nekké dañ koy do waaw mansourul wilaya waaw mansourul wilaya ñu ngi ci 35 ah dedet wa huwa yarqal abd wa huwa yurqil abd waaw wala yurqil abd waaw iza rasakha fil qalbi waaw no waxoko won de si waaw kon peut-être man moy mom ci lañ tollon moy day yekiti jambi day tax mom ascension spirituelle waaw su fekente ne waaw dafa zikkar bi dafa sax ci xolu nit ki ci lolou lañ développer waaw muy 36 kon voilà waaw donc fofu lañu yam après mu après légui égalil bi ci dess parce que bi ci dess la comme ça ñu égg voilà way jumu'u day dajale ala zakiri ci aji zikkar ci qalbu xolam manam day tax ba xolu ki nga xamantene moy ki zikkar waaw day parce que dafa am luñu wax al jam'u wal farq waaw moy li da koy wax xamato mo lay tek waye dag ko ko wax voilà jamu moy arif lo lañ wax manam moy buñu démé ba nga xam tane lepp day déllu wat ci yalla kessé jamu wal farq farq nak moy bu fekkante ne yaangi xalat yalla yaangi djublu ci yalla mais en tant que mais di déllu wat ci minde fi d'accord ba paré ngay déllu ci yalla ci tour yi ak melo yi mais boudé yalla rek ci djëmum nga déllu ci mom complètement lool moy jamo lool nak zikkar day waral lool ci xol day tax ba lepp tourner wat autour de yalla kessé sa lepp waaw delu ci yalla voilà sa xol delu ci yalla lepp complètement dem ci yalla djublu ci moy sujudu xol buñ doon wax fi lay vraiment entrer en action voilà je comprendrai voilà lool nak zikr da koy waral d'accord kon muy 37 voilà ñu ngi ci 37 ci njëriñ yi nekk ci sikar ok 35 37 voilà inshallah xamna né dañ ko égalé voilà inshallah kon ñu yom fofu inshallah ba benen yoon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.